Lundi na mardi, moto kabela ki ola rompwa mbila. Soki akabeli ote mercredi na rompwa so semana, komo na yema bete. Un enfant appartient à toutes les mamans. Gigi Amnas. La vienne d'Ombele. André Mavinga. Tata Kibokolo, Mignon Miafali. I'm Benny Dia. Charles de Gaulle, Évariste Bouchard, Marcelin Chichambo, Antoine Gonda, Matou Kiam Slim Batal, Napoli du Pema, Fortune Sescania.